Il aurait pourtant pu se dire qu'il y avait des anciens amis de ses parents, aussi simples que les vers du Rhin, des camarades de sa jeunesse, aussi épris d'art, qu'il connaissait d'autres êtres d'un grand cœur, et que pourtant, depuis qu'il avait opté pour la simplicité, les arts et la magnanimité, il ne les voyait plus jamais. Mais cela ne connaissait pas Odette, et s'il l'avait connue, ne se serait pas soucié de la rapprocher de lui. Ainsi, il n'y avait sans doute pas dans tout le milieu vers du Rhin un seul fidèle qui les aimât ou crût les aimer autant que Swann. Et pourtant, quand M. Verdurin avait dit que Swann ne lui revenait pas, non seulement il avait exprimé sa propre pensée, mais il avait deviné celle de sa femme. Sans doute Swann avait pour Odette une affection trop particulière et dont il avait négligé de faire de Mme Verdurin la confidente quotidienne. Sans doute la discrétion même avec laquelle il usait de l'hospitalité des Verdurin, s'abstenant souvent de venir dîner pour une raison qu'il ne soupçonnait pas et à la place de laquelle il voyait le désir de ne pas manquer une invitation chez des ennuyeux, sans doute aussi, et malgré toutes les précautions qu'il avait prises pour la leur cacher, la découverte progressive qu'il faisait de sa brillante situation mondaine. Tout cela contribuait à leur irritation contre lui. Mais la raison profonde en était autre. C'est qu'ils avaient très vite senti en lui un espace réservé, impénétrable, où il continuait à professer silencieusement pour lui-même que la princesse de Sagan n'était pas grotesque et que les plaisanteries de Cottard n'étaient pas drôles. Enfin, et bien que jamais il ne se départît de son amabilité et ne se révolta contre leurs dogmes, une impossibilité de les lui imposer, de l'y convertir entièrement, comme il n'en avait jamais rencontré une pareille chez personne. Il lui aurait pardonné de fréquenter des ennuyeux, auxquels d'ailleurs, dans le fond de son cœur, il préférait mille fois les vers du Rhin et tout le petit noyau, s'il avait consenti, pour le bon exemple, à les renier en présence des fidèles. Mais c'est une abjuration qu'ils comprirent qu'on ne pourrait pas lui arracher. Quelle différence avec un nouveau qu'Odette leur avait demandé d'inviter, quoiqu'elle ne l'eût rencontré que peu de fois, et sur lequel ils fondaient beaucoup d'espoir, le comte de Forcheville. Il se trouva qu'il était justement le beau-frère de sa niette, ce qui remplit d'étonnement les fidèles. Le vieil archiviste avait des manières si humbles qu'il l'avait toujours cru d'un rang social inférieur au leur, et ne s'attendait pas à apprendre qu'il appartenait à un monde riche et relativement aristocratique. Sans doute Forcheville était grossièrement snob, alors que Swann ne l'était pas. Sans doute il était bien loin de placer, comme lui, le milieu des Verdurin au-dessus de tous les autres. Mais il n'avait pas cette délicatesse de nature qui empêchait Swann de s'associer aux critiques trop manifestement fausses que dirigeait Mme Verdurin contre des gens qu'il connaissait. Quant aux tirades prétentieuses et vulgaires que le peintre lançait à certains jours, aux plaisanteries de commis voyageurs que risquait Cottard, et auxquels Swann, qui les aimait l'un et l'autre, trouvait facilement des excuses, mais n'avait pas le courage et l'hypocrisie d'applaudir, Forcheville était au contraire d'un niveau intellectuel qui lui permettait d'être abasourdi, émerveillé par les unes, sans d'ailleurs les comprendre, et de se délecter aux autres. Et justement, le premier dîner chez les Verdurin auquel assista Forcheville mit en lumière toutes ces différences, fit ressortir ses qualités et précipita la disgrâce de Swann. Il y avait à ce dîner, en dehors des habitués, un professeur de la Sorbonne, Brichot, qui avait rencontré M. et Mme Verdurin aux eaux, et si ses fonctions universitaires et ses travaux d'érudition n'avaient pas rendu très rares ces moments de liberté, serait volontiers venu souvent chez eux. Car il avait cette curiosité, cette superstition de la vie qui, unie à un certain scepticisme relatif à l'objet de leurs études, donne dans n'importe quelle profession, à certains hommes intelligents, médecin qui ne croit pas à la médecine, professeur de lycée qui ne croit pas au thème latin, la réputation d'esprit large, brillant et même supérieur. Il affectait chez Madame Verdurin de chercher ses comparaisons dans ce qu'il y avait de plus actuel quand il parlait de philosophie et d'histoire. D'abord parce qu'il croyait qu'elles ne sont qu'une préparation à la vie et qu'il s'imaginait trouver en action dans le petit clan ce qu'il n'avait connu jusqu'ici que dans les livres. Puis peut-être aussi parce que, s'étant vu inculquer autrefois et ayant gardé à son insu le respect de certains sujets, il croyait dépouiller l'universitaire en prenant avec eux des hardiesses qui, au contraire, ne lui paraissent telles que parce qu'il l'était resté. Dès le commencement du repas, comme M. de Forcheville, placé à la droite de Mme Verdurin qui avait fait pour le nouveau de grands frais de toilette, lui disait « C'est original, cette robe blanche. » Le docteur, qui n'avait cessé de l'observer, tant il était curieux de savoir comment était fait ce qu'il appelait un « deux » et qui cherchait une occasion d'attirer son attention et d'entrer plus en contact avec lui, saisit au vol le mot « blanche » et, sans lever le nez de son assiette, dit « Blanche, Blanche de Castille !» Puis, sans bouger la tête, lança furtivement de droite et de gauche des regards incertains et souriants. Tandis que Swann, par l'effort douloureux et vain qu'il fit pour sourire, témoigna qu'il jugeait ce calembour stupide, Forcheville avait montré à la fois qu'il en goûtait la finesse et qu'il savait vivre, en contenant dans de justes limites une gaieté dont la franchise avait charmé Madame Verdurin. « Qu'est-ce que vous dites d'un savant comme cela ? » avait-elle demandé à Forcheville. « Il n'y a pas moyen de causer sérieusement 2 minutes avec lui. Est-ce que vous leur en dites comme cela à votre hôpital ? » avait-elle ajouté en se tournant vers le docteur. « Ça ne doit pas être ennuyeux tous les jours, alors. Je vois qu'il va falloir que je demande à m'y faire admettre. » Je crois avoir entendu que le docteur parlait de cette vieille chipie de Blanche de Castille, si j'ose m'exprimer ainsi. N'est-il pas vrai, madame ? Demanda Brichot à madame Verdurin qui, pâmant, les yeux fermés, précipita sa figure dans ses mains d'où s'échappèrent des cris étouffés. Mon Dieu, madame, je ne voudrais pas alarmer les âmes respectueuses s'il y en a autour de cette table. Soubrosa. Je reconnais d'ailleurs que notre ineffable république athénienne, ô combien, pourrait honorer en cette capétienne obscurantiste le premier des préfets de police à poigne. Si fait, mon cher hôte, si fait, si fait, reprit-il de sa voix bien timbrée qui détachait chaque syllabe en réponse à une objection de M. Verdurin. La chronique de Saint-Denis, dont nous ne pouvons contester la sûreté d'information, ne laisse aucun doute à cet égard. Nul ne pourrait être mieux choisi comme patronne par un prolétariat laïcisateur que cette mère d'un saint, à qui elle en fit d'ailleurs voir de saumâtre, comme dit Sugère et autres saint Bernard, car avec elle chacun en prenait pour son grade. « Quel est ce monsieur ? » demanda Forcheville à Madame Verdurin. « Il a l'air d'être de première force. »« Comment, vous ne connaissez pas le fameux Brichot ? Il est célèbre dans toute l'Europe. »« Ah, c'est Brichot !» s'écria Forcheville qui n'avait pas bien entendu. « Vous m'en direz tant » ajouta-t-il tout en attachant sur l'homme célèbre des yeux écarquillés. « C'est toujours intéressant de dîner avec un homme en vue. Mais dites-moi, vous nous invitez là avec des convives de choix ? On ne s'ennuie pas chez vous. » Oh, vous savez, ce qu'il y a surtout, dit modestement Madame Verdurin, c'est qu'ils se sentent en confiance. Ils parlent de ce qu'ils veulent et la conversation rejaillit en fusée. Ainsi, Brichot, ce soir, ce n'est rien. Je l'ai vu, vous savez, chez moi, éblouissant, à se mettre à genoux devant. Eh bien, chez les autres, ce n'est plus le même homme, il n'a plus d'esprit, il faut lui arracher les mots, il est même ennuyeux. « C'est curieux, » dit Forcheville étonné. Un genre d'esprit comme celui de Brichot aurait été tenu pour stupidité pure dans la coterie où Swann avait passé sa jeunesse, bien qu'il soit compatible avec une intelligence réelle. Et celle du professeur, vigoureuse et bien nourrie, aurait probablement pu être enviée par bien des gens du monde que Swann trouvait spirituels. Mais ceux-ci avaient fini par lui inculquer si bien leur goût et leur répugnance, au moins en tout ce qui touche à la vie mondaine, et même en celle de ses parties annexes qui devraient plutôt relever du domaine de l'intelligence, la conversation, que Swann ne put trouver les plaisanteries de Brichot que pédantesques, vulgaires et grasses à écœurer. Puis il était choqué dans l'habitude qu'il avait des bonnes manières, par le ton rude des militaires qu'affectait, en s'adressant à chacun, l'universitaire cocardier. Enfin, peut-être avait-il surtout perdu, ce soir-là, de son indulgence, en voyant l'amabilité que Madame Verdurin déployait pour ce Forcheville qu'Odette avait eu la singulière idée d'amener. Un peu gênée vis-à-vis de Swann, elle lui avait demandé en arrivant « Comment trouvez-vous mon invité ?» Et lui, s'apercevant pour la première fois que Forcheville, qu'il connaissait depuis longtemps, pouvait plaire à une femme et était assez bel homme, avait répondu « Immonde !» Certes, il n'avait pas l'idée d'être jaloux d'Odette, mais il ne se sentait pas aussi heureux que d'habitude. Et quand Brichot, ayant commencé à raconter l'histoire de la mère de Blanche de Castille qui avait été avec Henri Plantagenet des années avant de l'épouser, voulut s'en faire demander la suite par Swann en lui disant « N'est-ce pas, monsieur Swann ?» sur le ton martial qu'on prend pour se mettre à la portée d'un paysan ou pour donner du cœur à un troupier, Swann coupa l'effet de Brichot, à la grande fureur de la maîtresse de la maison, en répondant qu'on voulut bien l'excuser de s'intéresser si peu à Blanche de Castille, mais qu'il avait quelque chose à demander au peintre. Celui-ci, en effet, était allé dans l'après-midi visiter l'exposition d'un artiste, ami de Madame Verdurin, qui était mort récemment. Et Swann aurait voulu savoir par lui, car il appréciait son goût, si vraiment il y avait dans ses dernières œuvres plus que la virtuosité qui stupéfiait déjà dans les précédentes. À ce point de vue-là, c'était extraordinaire, mais cela ne semblait pas d'un art, comme on dit, très élevé, dit Swann en souriant. Élevé à la hauteur d'une institution, interrompit Cottard en levant les bras avec une gravité simulée. Toute la table éclata de rire. Quand je vous disais qu'on ne peut pas garder son sérieux avec lui, dit Madame Verdurin à Forcheville, au moment où on s'y attend le moins, il vous sort une calambre d'aine. Mais elle remarqua que seul Swann ne s'était pas déridé. Du reste, il n'était pas très content que Cottard fît rire de lui devant Forcheville. Mais le peintre, au lieu de répondre d'une façon intéressante à Swann, ce qu'il eût probablement fait s'il eût été seul avec lui, préféra se faire admirer des convives en plaçant un morceau sur l'habileté du maître disparu. « Je me suis approché, dit-il, pour voir comment c'était fait. J'ai mis le nez dessus. Ah bien, wish ! On ne pourrait pas dire si c'est fait avec de la colle, avec du rubis, avec du savon, avec du bronze, avec du soleil, avec du caca. » Et un fond 12, s'écria trop tard le docteur, dont personne ne comprit l'interruption. Ça a l'air fait avec rien, reprit le peintre. Pas plus moyen de découvrir le truc que dans la ronde ou les régentes. Et c'est encore plus fort comme pâte que Rembrandt et que Hals. Tout y est, mais non, je vous jure. » Et comme les chanteurs, parvenus à la note la plus haute qu'ils puissent donner, continuent en voix de tête, piano, il se contenta de murmurer, et en riant, comme si en effet cette peinture eût été dérisoire à force de beauté, « Ça sent bon, ça vous prend la tête, ça vous coupe la respiration, ça vous fait des chatouilles. Et pas mèche de savoir avec quoi c'est fait, c'en est sorcier, c'est de la rouerie, c'est du miracle. » éclatant tout à fait de rire. « C'en est malhonnête !» Et s'arrêtant, redressant gravement la tête, prenant une note de basse profonde qu'il tâcha de rendre harmonieuse, il ajouta « Et c'est si loyal !» Sauf au moment où il avait dit plus fort que la ronde, blasphème qui avait provoqué une protestation de Madame Verdurin, qui tenait la ronde pour le plus grand chef-d'œuvre de l'univers, avec la neuvième et la Samothrace, et à « fait avec du caca », qui avait fait jeter à Forcheville un coup d'œil circulaire sur la table pour voir si le mot passait, et avait ensuite amené sur sa bouche un sourire prude et conciliant, tous les convives, excepté Swann, avaient attaché sur le peintre des regards fascinés par l'admiration. « Ce qu'il m'amuse quand il s'emballe comme ça !» s'écria, quand il eut terminé, Madame Verdurin, ravie que la table fût justement si intéressante le jour où M. de Forcheville venait pour la première fois. « Et toi, qu'est-ce que tu as à rester comme cela, bouche bée comme une grande bête ? » dit-elle à son mari. « Tu sais pourtant qu'il parle bien. On dirait que c'est la première fois qu'il vous entend. Si vous l'aviez vu pendant que vous parliez, il vous buvait. Et demain, il nous récitera tout ce que vous avez dit sans manger un mot. » « Mais non, c'est pas de la blague, » dit le peintre, enchanté de son succès. « Vous avez l'air de croire que je fais le boniment, que c'est du chiquet. Je vous y mènerai voir, vous direz si j'ai exagéré. Je vous fiche mon billet que vous revenez plus emballé que moi. » « Mais nous ne croyons pas que vous exagérez. Nous voulons seulement que vous mangiez et que mon mari mange aussi. Redonnez de la sole normande à monsieur. Vous voyez bien que la sienne est froide. » Nous ne sommes pas si pressés. Vous servez comme s'il y avait le feu. Attendez donc un peu pour donner la salade. » Madame Cottard, qui était modeste et parlait peu, savait pourtant ne pas manquer d'assurance quand une heureuse inspiration lui avait fait trouver un mot juste. Elle sentait qu'il aurait du succès. Cela la mettait en confiance. Et ce qu'elle en faisait était moins pour briller que pour être utile à la carrière de son mari. Aussi ne laissa-t-elle pas échapper le mot de salade que venait de prononcer Madame Verdurin. « Ce n'est pas de la salade japonaise, » dit-elle à mi-voix en se tournant vers Odette. Et ravie et confuse de l'à-propos et de la hardiesse qu'il y avait à faire ainsi une allusion discrète mais claire à la nouvelle et retentissante pièce de Dumas, elle éclata d'un rire charmant d'ingénu, peu bruyant, mais si irrésistible qu'elle resta quelques instants sans pouvoir le maîtriser. « Qui est cette dame ? Elle a de l'esprit ? » dit Forcheville. « Non, mais nous vous en ferons si vous venez tous dîner vendredi. » « Je vais vous paraître bien provincial, monsieur, » dit Madame Cottard à Swann, « mais je n'ai pas encore vu cette fameuse Francillon dont tout le monde parle. » Le docteur y est déjà allé. Je me rappelle même qu'il m'a dit avoir eu le très grand plaisir de passer la soirée avec vous, et j'avoue que je n'ai pas trouvé raisonnable qu'il loue des places pour y retourner avec moi. Évidemment, au Théâtre Français, on ne regrette jamais sa soirée. C'est toujours si bien joué. Mais comme nous avons des amis très aimables... Madame Cottard prononçait rarement un nom propre et se contentait de dire « des amis à nous, une de mes amies ». Par distinction, sur un ton factice, et avec l'air d'importance d'une personne qui ne nomme que qui elle veut, qui ont souvent des loges et ont la bonne idée de nous emmener à toutes les nouveautés qui en valent la peine. Je suis toujours sûre de voir Francillon un peu plus tôt ou un peu plus tard, et de pouvoir me former une opinion. Je dois pourtant confesser que je me trouve assez sotte, car dans tous les salons où je vais en visite, on ne parle naturellement que de cette malheureuse salade japonaise. On commence même à en être un peu fatigué, ajouta-t-elle en voyant que Swann n'avait pas l'air aussi intéressé qu'elle aurait cru par une si brûlante actualité. Il faut avouer pourtant que cela donne quelquefois prétexte à des idées assez amusantes. Ainsi, j'ai une de mes amies qui est très originale, quoique très jolie femme, très entourée, très lancée, et qui prétend qu'elle a fait faire chez elle cette salade japonaise, mais en faisant mettre tout ce qu'Alexandre Dumas fils dit dans la pièce. Elle avait invité quelques amis à venir en manger. Malheureusement, je n'étais pas des élus. Mais elle nous l'a raconté tantôt à son jour. Il paraît que c'était détestable. Elle nous a fait rire aux larmes. Mais vous savez, tout est dans la manière de raconter, dit-elle en voyant que Swann gardait un air grave. Et supposant que c'était peut-être parce qu'il n'aimait pas Francillon, du reste, je crois que j'aurais une déception. Je ne crois pas que cela vaille Serge Panine, l'idole de Madame de Crécy. Voilà au moins des sujets qui ont du fond, qui font réfléchir. Mais donner une recette de salade sur la scène du théâtre français, tandis que Serge Panine... Du reste, c'est comme tout ce qui vient de la plume de Georges Aunay. C'est toujours si bien écrit. Je ne sais pas si vous connaissez le maître de forge que je préférerais encore à Serge Panine. Pardonnez-moi, lui dit Swann d'un air ironique, mais j'avoue que mon manque d'admiration est à peu près égal pour ces deux chefs-d'œuvre. Vraiment? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Est-ce un parti pris? Trouvez-vous peut-être que c'est un peu triste? D'ailleurs, comme je dis toujours, il ne faut jamais discuter sur les romans ni sur les pièces de théâtre. Chacun a sa manière de voir et vous pouvez trouver détestable ce que j'aime le mieux. Elle fut interrompue par Forcheville qui interpellait Swann. En effet, tandis que Madame Cottard parlait de Francillon, Forcheville avait exprimé à Madame Verdurin son admiration pour ce qu'il avait appelé le petit speech du peintre. Monsieur a une facilité de parole, une mémoire, avait-il dit à Madame Verdurin quand le peintre eut terminé, comme j'en ai rarement rencontré. Bigre, je voudrais bien en avoir autant. Il ferait un excellent prédicateur. On peut dire qu'avec Monsieur Bréchot, vous avez là deux numéros qui se valent. Je ne sais même pas si, comme Platine, celui-ci ne damerait pas encore le pion au professeur. Ça vient plus naturellement, c'est moins recherché. Quoi qu'il ait, chemin faisant, quelques mots un peu réalistes, mais c'est le goût du jour. Je n'ai pas souvent vu tenir le crachoir avec une pareille dextérité, comme nous disions au régiment, où pourtant j'avais un camarade que justement monsieur me rappelait un peu. À propos de n'importe quoi, je ne sais que vous dire, sur ce verre, par exemple, il pouvait dégoiser pendant des heures. Non, pas à propos de ce verre, ce que je dis est stupide, mais à propos de la bataille de Waterloo, de tout ce que vous voudrez, et il nous envoyait chemin faisant des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Du reste, Swann était dans le même régiment, il a dû le connaître. « Vous voyez souvent Monsieur Swann ?» demanda Madame Verdurin. « Mais non, » répondit Monsieur de Forcheville, et comme, pour se rapprocher plus aisément d'Odette, il désirait être agréable à Swann, voulant saisir cette occasion pour le flatter, de parler de ses belles relations, mais d'en parler en homme du monde, sur un ton de critique cordiale, et n'avoir pas l'air de l'en féliciter comme d'un succès inespéré. « N'est-ce pas, Swann? Je ne vous vois jamais. D'ailleurs, comment faire pour le voir? Cet animal-là est tout le temps fourré chez les La Trémoille, chez les L'Homme, chez tout ça. » Imputation d'autant plus fausse d'ailleurs que depuis un an, Swann n'allait plus guère que chez les Verdurin. Mais le seul nom de personne qu'il ne connaissait pas était accueilli chez eux par un silence réprobateur. Monsieur Verdurin, craignant la pénible impression que ces noms d'ennuyeux, surtout lancés ainsi sans tact à la face de tous les fidèles, avaient dû produire sur sa femme, jeta sur elle à la dérobée un regard plein d'inquiète sollicitude. Il vit alors que dans sa résolution de ne pas prendre acte, de ne pas avoir été touché par la nouvelle qui venait de lui être notifiée, de ne pas seulement rester muette, mais d'avoir été sourde, comme nous l'affectons quand un ami fautif essaie de glisser dans la conversation une excuse que ce serait avoir l'air d'admettre que de l'avoir écouté sans protester, ou quand on prononce devant nous le nom défendu d'un ingrat, Madame Verdurin, pour que son silence n'eût pas l'air d'un consentement, mais du silence ignorant des choses inanimées, avait soudain dépouillé son visage de toute vie, de toute motilité. Son front bombé n'était plus qu'une belle étude de ronde bosse, où le nom de ses latrimoilles, chez qui était toujours fourré Swann, n'avait pu pénétrer. Son nez légèrement froncé laissait voir une échancrure qui semblait calquée sur la vie. On eût dit que sa bouche entr'ouverte allait parler. Ce n'était plus qu'une cire perdue, qu'un masque de plâtre, qu'une maquette pour un monument, qu'un buste pour le palais de l'industrie, devant lequel le public s'arrêterait certainement pour admirer comment le sculpteur, en exprimant l'imprescriptible dignité des Verdurins opposée à celle des Latrémoilles et des l'homme, qu'ils valent certes, ainsi que tous les ennuyeux de la terre, était arrivé à donner une majesté presque papale à la blancheur et à la rigidité de la pierre. Mais le marbre finit par s'animer et fit entendre qu'il fallait ne pas être dégoûté pour aller chez ces gens-là, car la femme était toujours ivre et le mari si ignorant qu'il disait « Collidor » pour « Corridor ». On me paierait bien cher que je ne laisserais pas entrer ça chez moi, conclut Madame Verdurin en regardant Swann d'un air impérieux. Sans doute, elle n'espérait pas qu'il se soumettrait jusqu'à imiter la sainte simplicité de la tante du pianiste qui venait de s'écrier « Voyez-vous ça ? Ce qui m'étonne, c'est qu'ils trouvent encore des personnes qui consentent à leur causer. Il me semble que j'aurais peur. Un mauvais coup est si vite reçu. Comment y a-t-il encore du peuple assez brut pour leur courir après ?» Mais que ne répondait-il du moins comme Fourcheville ? Dame, c'est une duchesse. Il y a des gens que ça impressionne encore. Ce qui avait permis au moins à Madame Verdurin de répliquer « Grand bien leur fasse !» Au lieu de cela, Swann se contenta de rire d'un air qui signifiait qu'il ne pouvait même pas prendre au sérieux une pareille extravagance. Monsieur Verdurin, continuant à jeter sur sa femme des regards furtifs, voyait avec tristesse, et comprenait trop bien, qu'elle éprouvait la colère d'un grand inquisiteur qui ne parvient pas à extirper l'hérésie, et, pour tâcher d'amener Swann à une rétractation, comme le courage de ses opinions paraît toujours un calcul et une lâcheté aux yeux de ceux en l'encontre de qui il s'exerce, M. Verdurin l'interpella. « Dites donc franchement votre pensée, nous n'irons pas le leur répéter. » À quoi Swann répondit « Mais ce n'est pas du tout par peur de la duchesse, si c'est des Latrémoilles que vous parlez. Je vous assure que tout le monde aime aller chez elle. Je ne vous dis pas qu'elle soit profonde. » Il prononça « profonde » comme si ça avait été un mot ridicule, car son langage gardait la trace d'habitude d'esprit qu'une certaine rénovation, marquée par l'amour de la musique, lui avait momentanément fait perdre. Il exprimait parfois ses opinions avec chaleur. « Mais très sincèrement, elle est intelligente, et son mari est un véritable lettré. Ce sont des gens charmants. » Si bien que Madame Verdurin, sentant que par ce seul infidèle, elle serait empêchée de réaliser l'unité morale du petit noyau, ne put pas s'empêcher dans sa rage contre cette obstinée qui ne voyait pas combien ses paroles la faisaient souffrir, de lui crier du fond du cœur « Trouvez-le si vous voulez, mais du moins ne nous le dites pas !»« Tout dépend de ce que vous appelez intelligence, » dit Fourcheville qui voulait briller à son tour. « Voyons, Swann. Qu'entendez-vous par intelligence ?»« Voilà !» s'écria Odette. « Voilà les grandes choses dont je lui demande de me parler, mais il ne veut jamais. »« Mais si !» protesta Swann. « Cette blague !» dit Odette. « Blague à tabac ?» demanda le docteur. « Pour vous, » reprit Fourcheville, « l'intelligence, est-ce le bagout du monde ? Les personnes qui savent s'insinuer ?» « Finissez votre entremets, qu'on puisse enlever votre assiette !» dit Madame Verdurin d'un ton aigre en s'adressant à sa nièce, lequel, absorbé dans des réflexions, avait cessé de manger. Et peut-être un peu honteuse du ton qu'elle avait pris. « Cela ne fait rien, vous avez votre temps. Mais si je vous le dis, c'est pour les autres, parce que cela empêche de servir. »« Il y a, » dit Brichot en martelant les syllabes, une définition bien curieuse de l'intelligence dans ce doux anarchiste de Fénelon. Écoutez, dit à Forcheville et au docteur, Madame Verdurin, il va nous dire la définition de l'intelligence par Fénelon. C'est intéressant. On n'a pas toujours l'occasion d'apprendre cela. Mais Brichot attendait que Swann eût donné la sienne. Celui-ci ne répondit pas et, en se dérobant, fit manquer la brillante joute que Madame Verdurin se réjouissait d'offrir à Forcheville. « Naturellement, c'est comme avec moi, » dit Odette d'un ton boudeur. « Je ne suis pas fâchée de voir que je ne suis pas la seule qu'il ne trouve pas à la hauteur. » »« C'est de la trémoille que Madame Verdurin nous a montré comme si peu recommandable, » demanda Brichot en articulant avec force. « Descendent-ils de ceux que cette bonne snob de Madame de Sévigné avouait être heureuse de connaître parce que cela faisait bien pour ses paysans ?»« Il est vrai que la marquise avait une autre raison. » Et qui pour elle devait primer celle-là, car gens de lettres dans l'âme, elle faisait passer la copie avant tout. Or, dans le journal qu'elle envoyait régulièrement à sa fille, c'est Madame de la Trémoille, bien documentée par ses grandes alliances, qui faisait la politique étrangère. « Mais non, je ne crois pas que ce soit la même famille, » dit à tout hasard Madame Verdurin.